Salut à tous, aujourd'hui dans les loges sonores, je rencontre Marianne Bépé. Marianne, c'est d'abord un regard abyssal et une élégance digne d'une divinité égyptienne. Sur scène, Marianne prolonge l'émotion de ses textes par des gestes délicats et des mouvements sensuels mais jamais provocateurs, comme si ses bras et ses mains esquissaient ses mélodies dans un espace-temps. Avant de découvrir ses vocalises, Marianne passe de l'écriture à l'interprétation en slamant sur un de ses projets, se nommant Transforma. L'écriture lui vient naturellement en 2007 pour créer des poèmes ou des nouvelles, puis naturellement en 2009 elle écrit pour des acteurs ou encore des chanteurs. Avant d'être interprète, Marianne est d'abord un auteur qui prône les rapports textuels non protégés. Elle aurait pu inspirer Jonathan Cole, l'auteur de La vie très privée de Monsieur Sim, qui tombe amoureux de la voix de son GPS, car sur son projet Transforma, Marianne devient un GPS, une cigarette ou encore une bombe lacrymogène. Et c'est sur cet axe que l'on dimensionne son talent de percer le cortex de ses contemporains, notamment sur le titre Marteau-piqueur. Marianne ne s'arrête pas à ce projet Transforma, qu'elle a proposé sur scène notamment dans différents lieux parisiens, puisqu'elle est en train d'enregistrer des titres inspirés de standards de jazz avec le producteur Clément Mirguet, alias KLM. Loin d'un hommage, le projet Reverso est avant tout une collaboration avec plusieurs compositeurs, producteurs, où chaque titre sera réadapté et où Marianne apportera sa touche en glissant ses propres textes en français. Direction Paris, 11e arrondissement, métro Parmentier. Salut Marianne. Bonjour JC. D'où vient cette envie d'écrire, que ce soit les textes que tu as pu écrire lors de tes sollicitations pour des acteurs ou pour tes nouvelles? C'est quoi cette envie? Comment elle est venue à toi, cette envie d'écrire vraiment des textes, hein? Donc elle est venue d'une manière un peu paranormale en fait, c'est-à-dire que je devais avoir 18-19 ans. Je réfléchissais énormément et j'ai été à un moment donné apeurée et en même temps attirée par mon ordinateur, par mon clavier. Et donc j'ai commencé à taper tout doucement, etc. Et j'ai commencé par écrire des recueils de poèmes un peu métaphysiques en gros. J'imagine que je devais avoir besoin de sortir des choses. Et ce que j'ai fait, ensuite, j'ai pas mal eu peur, mais je l'ai fait lire à des personnes qui m'étaient assez proches et qui m'ont dit « Mais non, c'est pas toi qui as écrit, c'est pas possible. » Donc je me suis dit que c'était cool et qu'il fallait que je continue. D'une manière générale, ça me fait... Enfin, j'aime écrire, voilà. J'ai un vrai goût pour l'écriture et le concept et le voyage que ça peut engendrer, en fait. Chez moi et chez les gens aussi. Mais passer de l'écriture à l'interprétation, comment t'as réussi à passer le cap justement? C'est le fait d'avoir fait des rencontres ou des gens qui t'ont sollicité pour mettre en voix ce que t'avais écrit? Ouais, notamment comme ce dont t'avais parlé au début sur les monologues pour les acteurs. En fait, j'avais fait ces monologues-là pour certains acteurs et j'en ai fait répéter pour les cadrer un peu sur la manière de dire le texte. Et en fait, c'est ces acteurs qui m'ont dit « Mais pourquoi toi, tu vas pas le réciter? Pourquoi tu vas pas jouer avec, etc. ?» Parce que tu as du talent, tu as une présence, etc. Et donc, du coup, peut-être une semaine après, en fait, je suis allée sur une scène ouverte pas très loin d'Oberkampf et sur de la musique, donc j'ai récité. Et j'ai eu de très bonnes réactions dans la salle. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils avaient apprécié le texte et la manière d'interpréter. Et du coup, après, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Et du coup, ça a dû intervenir dans mon processus de décision pour continuer à en écrire et pour monter donc le projet Transforma. Puisque le premier texte que j'ai écrit, en fait, c'était « Je me transforme en homme » pour les acteurs. C'était pour un homme. Donc moi, quand je suis allée sur scène, il a fallu que je me transforme. Et du coup, j'ai lancé le projet « Je me transforme ». Voilà. Transforma, donc ça, c'est un de tes projets. Et justement, sur toute la palette de tes projets, on sent bien qu'il y a une influence musicale très diverse. Et ces influences-là, elles sont liées à ta curiosité ou c'est que tu as baigné très tôt dans des influences musicales très diverses? Je pense que j'ai baigné dans des choses assez différentes, dans le sens où j'ai un peu vécu aux Antilles, donc j'écoutais pas mal de Zouk. Ma mère était fan de Gainsbourg aussi, donc j'écoutais pas mal de Gainsbourg. Et un peu tout ce qui était chansons françaises. J'écoutais aussi de la soul par Ray Charles, etc. Et à l'adolescence, je me suis un peu diversifiée. J'écoutais pas mal de choses, musique classique aussi. Et du coup, je pense, comme tu as dit, la curiosité me fait que j'ai pas envie de m'arrêter sur un seul genre, et j'ai envie d'essayer, si possible, d'avoir des mélanges de genres pour m'étonner aussi moi-même, quoi. Dans ton projet Transforma, là, que tu as cité tout à l'heure, tu te glisses dans la peau d'objets, de personnages. Comment t'arrives à écrire justement des chansons à partir de ces personnalités ou de ces objets du commun des mortels ? Je pense que j'ai beaucoup, je suis de nature assez observatrice et j'ai dû pas mal enregistrer de choses. Et en général, quand j'écris en essayant de me mettre dans la peau de soit d'objets, soit de personnages, je me mets vraiment à 100% dedans, quoi. C'est-à-dire que j'ai peu de conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Et j'ai et ça sort en fait et du coup les objets deviennent par exemple le GPS, c'est, je m'en rends compte après, mais en fait c'est une métaphore d'une femme qui a abandonné plutôt qu'un GPS, mais ça je m'en rends compte après en fait, c'est-à-dire que sur le moment le second degré je le vis pas, et après je me rends compte qu'il y a énormément de second degré dedans, et après on me l'a confirmé quand sur écoute, lorsque les personnes écoutent ou lisent. Et donc ouais, mais c'est intéressant parce que je me suis rendu compte a posteriori que le projet Transforma en fait c'était une sorte de satire contemporaine des gens, et donc pas des objets, même si ça passe par des objets, mais des gens, de l'amour, de la séduction, de tout ce qui est vice, hypocrisie, alcoolisme, dépendance à certains comportements aussi, type le marteau-piqueur qui va entre guillemets baiser certaines femmes et trop de femmes pour être heureux en fait, la cigarette qui se fait avoir par son fumeur, qui se fait tuer par son fumeur, ce genre de choses. Et du coup c'est, enfin ouais, je suis assez contente du projet, de ce qu'il représente, voilà. Justement, on va s'écouter Marteau Piqueur là dans quelques instants. T'as peut-être eu des réactions un peu particulières, non, quand tu l'as interprété dans des salles à Paris? Ouais, un petit peu. En fait, au début, j'avais une totale insouciance sur le morceau, parce que pour moi, c'était une sorte de caricature d'un Don Juan, en fait, moderne. Et donc, au début, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, mais... quel courage tu as de parler comme ça pour une fille, c'est génial, j'adore, on dirait Gainsbourg en fille, tu as beaucoup de couilles entre guillemets, etc. J'ai eu aussi quelques personnes qui ont au début été un petit peu choquées par le vocabulaire, parce que en fait c'est un Don Juan qui parle, donc forcément il a des aspects un peu crus. J'essaye de pas non plus rentrer dans le vulgaire, mais il y a quelque chose de cru. Et après j'ai eu des mecs en fait qui sont venus me voir en me disant mais comment tu sais. Donc là je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une caricature, donc je me suis dit bon ok, mais dans l'ensemble j'ai eu des bons retours, voilà, même de personnes qui sont plus âgées, c'est-à-dire la soixantaine, 70 ans, qui m'ont dit, au début on a été un peu surpris, mais au final on a vraiment beaucoup aimé, voilà. Donc j'étais assez étonnée, mais maintenant je sais un petit peu comment réagir et comment les gens réagissent, et je trouve ça intéressant de voir beaucoup de réactions justement, surtout sur scène. Je me transforme en homme ce soir. Je me transforme. Je suis un homme ce soir. Elle me disait tu ne vaux rien, mais c'était faux, je le savais. Il a fallu que je le rapporte à ma chère maman pour qu'elle me le confirme. Ces femmes soubrettes se seraient-elles offusquées que je leur monte dessus, que mes muscles fessiers acérés les percutent, que leurs regards pointus s'évadent de leurs orbites. Je les ai attrapées, elles se sont perdues puis enfuies. Je les hais comme elles me haïssent, et même pire car elles me trahissent. Quelle sera la prochaine sur la liste? Une intelligente peut-être, qui m'évaluera à ma juste valeur. Marteau-piqueur, marteau-piqueur. Alors le soir je vais dans les bars, bois quelques bières pour leur compter quelques verres. Elles s'assoient près de moi puis je les croise dans mes fantasmes. Nues, les croquant toutes crues à chaque coin de rue. Je suis en rute. À 2h du mat, le patron me sort du bar. vois trouble, mais je continue à sentir dans mes mains cette dulcinée hallucinée. Je parcours mes vues, tentant de la capturer, mais je n'attrape que le trottoir et mon heure de gloire s'enfuit de ma destinée. Marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur, marteau piqueur. Je retrouve ma maison close, vide de féminité. Elles m'ont encore trahi, ces garces de nudité, me laissant seule, rabougrie sur mon canapé. Je mate la télé, un barreau allumé dans mon pantalon, et je pique du nez le rapprochant de mon caleçon. Je me réveille, sale odeur, ce barreau allumé, alors je vais dans ma salle de bain et l'éteins dans ma salle de demain. Je m'assois sur mes toilettes face à mon miroir de matin. Admire ce visage carré, éreinté, éreinté. Quand j'y pense, quand j'y pense, quand j'y pense. Lorsque j'arrive à les baiser, je ne fais que les baiser. Marteau piqueur, que les baiser. Marteau piqueur, que les baiser. Marteau piqueur, marteau piqueur. Marteau, marteau, marteau, marteau piqueur. Leurs culs ont tous le même visage comme le mien ce matin. Ne suis-je qu'un pantin qui n'aime que la fesse? Ne suis-je qu'un lutin à gants de velours, ou pêche, ou fraise qui aime les ananas? Je m'étonne qu'elle ne m'aime qu'à travers une capote. Je m'étonne qu'elle se barre enceinte de ma vulgarité. Je suis pourtant très beau. Elle me le souffle du fond de leurs rêves. Je rêve, je rêve. Mon placard est bourré de morceaux de plastique, et je les recycle, les utilise et les place dans ma poubelle à plastique. Je suis un cyclo-baiseur, un cyclo-baiseur. Mais pourquoi ne m'aime-t-elle pas? N'aime-t-elle pas la fraise? Hommes qui font rire tant d'assemblées avec leurs désirs et frustrations, frustration, frustration, frustration. Ma quéquette à tête chercheuse de fesses à décorer mène-t-elle une idiote de quête? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais il faut que je baisse. Il faut que je baisse. Il faut que je baisse comme un marteau piqueur. Marteau piqueur de Marianne Bépé. Tu nous expliqueras peut-être tout à l'heure pourquoi Bépé. En attendant, on va parler de toi. On va continuer. Donc, tu as un autre projet assez singulier qui s'appelle El Diez Panam. De quoi il est différent justement de Transforma? Alors, El Diez Panam, c'est un projet qui est né en fait d'une rencontre avec un compositeur. Un compositeur électro minimal, et j'ai été assez sensible à sa touche en fait, parce que je trouve qu'il a une touche assez particulière et il se sert beaucoup des sons urbains pour faire ses morceaux. Et du coup, j'ai décidé de faire un EP avec lui sur des scénettes parisiennes. Donc c'est une écriture qui est beaucoup plus légère que sur le projet Transforma. Et ça raconte des petites scènes dans Paris. Par exemple, il y a un western moderne entre deux filles qui sortent de boîte de nuit et qui se battent pour leur shérif, chérie, etc. Il y a aussi un morceau qui dit que Paris déménage à Bora Bora. Donc ça laisse imaginer des choses assez agréables. Et il y a un morceau donc qui parle aussi des jeunes filles, parce que quand je sors un peu sur Paris, j'ai remarqué un genre de jeune fille qui a pas mal d'argent, on va dire 16-17 ans, et qui sont très sensibles à tout ce qui est cocaïne, ce genre de choses. Donc je leur ai fait un petit texte pour leur parler de leur âge et du fait de leur vie, etc. Ça s'appelle Cocaïne, voilà le morceau. Okay. Et comment ça s'est passé la collaboration? Donc c'est avec Nicolas Carrasco, c'est ça? Comment ça se passe au niveau de ta collaboration? Tu t'es impliqué dans la composition des morceaux ou tu lui as livré des textes et il a travaillé de son côté? En fait, souvent, on travaille sur une base, c'est-à-dire que le compositeur a composé d'une manière autonome, me propose quelque chose qui va m'inspirer et ensuite on revoit ensemble et on adapte par rapport aux différents textes. Et donc je donne aussi mes avis et parce que j'ai des goûts un peu des fois un peu particuliers et du coup on essaye de mélanger les deux, l'avis du compositeur avec le mien, pour finaliser le morceau et pour qu'on soit contents en fait tous les deux, quoi, qu'on y trouve notre compte à chaque fois. Sur le projet Transforma et sur ce projet donc LDS Panam, t'as des musiciens qui t'accompagnent sur scène et ce sont les mêmes sur ces deux projets là? Pour l'instant c'est les mêmes et j'espère que ça sera les mêmes, parce que même si les projets sont assez différents, je trouve qu'ils ont une cohérence sur scène et je trouve ça intéressant justement de mélanger du slam ou spoken world avec de la soul ou chansons françaises. Et en général, donc quand j'ai joué certains morceaux de chacun des projets sur scène, j'ai eu des bonnes réactions au niveau public. Et donc du coup, j'aimerais avoir une unité au niveau des musiciens et travailler sur des bases de live qui soient identiques pour chaque projet. Du coup, sur scène, t'es accompagné d'un bassiste et d'un batteur, je crois, c'est ça? Ouais, il y a un bassiste, un batteur et un clavier pour l'instant. Et donc l'équipe va sûrement s'agrandir au fur et à mesure des dates, des scènes, etc. C'est ce que j'aimerais. Après, dans l'idéal, j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de monde, mais question de soucis de prod et soucis financiers, on va dire. C'est difficile de jouer à plein quand pour l'instant on n'a pas encore de budget suffisant, notamment une signature ou ce genre de choses. Et là, tu cherches actuellement justement à démarcher auprès des maisons de disques ou des tourneurs, ce qui te permettrait d'avoir peut-être une meilleure mise en avant auprès des médias? Ouais, en fait, là pour l'instant, on est vraiment en sortie de projet. Donc, j'ai commencé un petit peu à regarder, à chercher les tourneurs notamment, parce que pour l'instant, en tout cas, moi j'ai l'impression que ce sont les tourneurs qui sont les plus importants, dans le sens où c'est ça qui permet de faire de la scène et c'est ce que je préfère. Après, quoi, parce que avoir fait un disque, c'est bien, mais si on fait pas de scène, ça a pas trop d'intérêt. Et donc, une fois que les projets seront vraiment en avant et finalisés, ça sera ma priorité en fait de chercher un tourneur. Et après, avoir au niveau des signatures sur chacun des projets, à voir comment je peux faire pour signer, même sur un seul projet ou sur deux ou sur trois ou avec des personnes différentes. Donc on s'écoute Cocaïne, issue de ta collaboration avec Nicolas Carrasco, sur le projet donc LDS Panama. Cocaïne. Coco Charnel. L'affaire qui nous intéresse, c'est la cocaïne. Serre-moi un verre de cocaïne. Son esprit a soif, alors elle, cocaïne, son esprit. Elle a 16 ans et demi, et elle préfère l'humour blanc à l'humour noir. Elle n'a aucun ennui, mais elle préfère les nuits blanches aux nuits noires. Serre-moi un verre de cocaïne. Son esprit a soif, alors elle, cocaïne, son esprit. Mais dis-leur, qu'elle est un peu jaune. Dis-leur, qu'elles sont un peu jaunes. Cocaïne. Il est interdit de siroter un jus de fric à la paille. Un jus de fric à la paille. Fric à la paille. Elle n'est pas triste, elle renifle son argent de pêche à César. Elle n'aime pas être en retard, alors elle court après le trop tard. Cocaïne, serre-moi un verre sauce tube est faite. Coquine, sers-moi un verre de cocaïne. Son esprit a soif, alors elle, cocaïne, son esprit. Et elle se parfume à la coco, coco, coco. Cocaïne, Marianne Bépé, toujours en ma compagnie. Tu as un dernier projet en date qui s'appelle Un Reverso. Peux-tu nous expliquer la jeunesse de ce projet, puisque c'est complètement apparemment différent de Transforma et de El Jazz Panam? Ouais. La jeunesse du projet, c'est que j'ai découvert le jazz depuis 2 ans. Et j'ai trouvé cette démarche assez intéressante, tout ce qui est démarche de standard de jazz, etc. Du coup, j'ai voulu faire un projet un peu à l'image... en tout cas qui s'inspire du concept du standard de jazz. Donc on a fait une première reprise qui s'appelle G-Baby and I Go To You, qui est donc un standard de jazz que j'ai repris sur une musique originale, donc pas sur la musique qui était utilisée sur le morceau G-Baby, avec le compositeur Clément Mirguet, KLM. Et donc là-dessus, je suis partie sur une version anglaise et française avec un texte que j'ai réinterprété, réécrit en anglais. Et donc là, le timbre du projet est plutôt trip-hop. Et donc sur les autres morceaux, ça reste dans la lignée de G-Baby and I Go To You. Donc il y a un clip qui a été fait dessus, qui est visible sur internet en tapant Marianne Bépé ou en allant sur les pages Facebook, type ce genre de réseau social. Et là-dessus, j'enchaîne en fait une série de morceaux avec d'autres producteurs, compositeurs. Et donc j'écris sur le thème, sur les grands thèmes de standard de jazz, des chansons en général, c'est l'amour, le côté mystique, magique, et des univers très marqués. Et donc j'ai réécrit en anglais, français à chaque fois, sur ce fond trip-hop. Et ça s'appelle le projet Reverso. Et donc dans tous les clips de ce projet-là, celui-ci qui a été réalisé et les prochains, on utilise beaucoup l'envers en fait, l'effet reverse. Donc ça fait des effets un peu étonnants dans les clips. Et je trouvais ça cohérent parce que c'est franco-anglais, donc il y a un côté un peu à l'envers dans l'histoire. Et du coup, ça se marque aussi au niveau du visuel, quoi. Voilà. Et comment ça se passe au niveau des séances de travail avec ces producteurs-là et ces compositeurs? Comme El Jazz Panam, tu t'immisces aussi dans la composition et la réalisation des titres? Un peu comme El Jazz Panam, dans le sens où j'ai, en fait, on va dire que j'oriente plutôt trip-hop, tout en laissant de la liberté. Et à partir du moment où il y a quelque chose, une musique qui m'inspire, après, on travaille en fait en semi-impro. C'est-à-dire que je pose des choses, je propose des choses aussi aux compositeurs, aux producteurs, qui aussi donne son avis dedans, et moi aussi. Et après, on retravaille tous les deux pour encore arriver à un accord, en fait, et à des choses qui nous plaisent pour qu'on soit fiers du morceau qu'on vient de faire, en fait. Et au niveau de la composition, vous partez vraiment des morceaux originaux, des titres, non, vous repartez complètement à zéro? Ouais, on recrée complètement une musique en fait qui a du caractère, et selon le caractère du morceau de musique, moi je propose des mélodies, des choses, et après ça s'adapte, et le des fois en cours d'enregistrement, en fait, le producteur retravaille le morceau et moi je repose quelque chose de différent, etc. On fonctionne vraiment c'est une machine en fait qui avance progressivement et jusqu'à être satisfait du résultat. Voilà. Alors, ça doit être assez complexe quand même de réadapter des textes issus de la langue de Shakespeare pour les adapter dans la langue de Molière. Comment tu t'organises au niveau de tes séances de travail pour l'écriture ? Souvent, j'écris la veille de l'enregistrement. Et en général, je m'appuie sur la poésie en fait et l'imaginaire. C'est-à-dire que l'anglais, je le comprends. Si jamais il y a des fois certains détails que je comprends pas, certains mots, certaines expressions, je vais un peu me renseigner. Et après, moi, je traduis pas mot à mot. Du coup, je poétise en français en fait. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est l'émotion qui reste quand on entend de l'anglais. Et j'essaye de rester fidèle au moins à l'émotion. Donc, c'est-à-dire que ça va pas être de la traduction mot à mot, ça va être de l'interprétation française de l'anglais qu'il y a eu, quoi. Ouais. Ça, c'est au niveau de l'écriture. Par contre, au niveau de l'interprétation, les textes anglais, c'est complètement différent du français. Et notamment pour ce projet Reverso, qui est quand même à l'origine du jazz. L'exercice mélodique doit être assez compliqué quand même dans ton interprétation. Ouais, surtout quand moi en général je commence par l'anglais dans l'enregistrement. L'anglais qui se chante très facilement et tout se passe super bien et rythmiquement c'est parfait, etc. Donc des fois j'ai des petits moments de descente quand il faut que j'enregistre le français. Et là en fait je pense que je me base beaucoup sur de l'interprétation. Donc le français va être légèrement moins chanté même s'il y a quand même une ligne mélodique. Mais il va être beaucoup plus joué en fait, joué mélodiquement, que l'anglais qui est balancé et qui est très musical direct, quoi, en fait. Parce qu'il y a quand même une notion de groove qui est complètement différente entre la narration anglaise et la narration française. Ouais, et c'est pour ça que j'aime bien le fait de traiter différemment, même musicalement, même si c'est pas complètement différent. Mais pour moi, l'anglais, les parties anglaises ne sont pas traitées tout à fait pareil que les parties françaises après au niveau des arrangements, etc. Quoi. On trouve autre chose en fait, on rajoute d'autres choses musicales et d'autres choses vocales pour faire que ça soit viable et intéressant. Voilà. Alors, avant qu'on diffuse donc un des titres de ce projet Reverso, j'ai toujours une question à la fin de l'entretien, c'est si demain tu devais partir dans une contrée inconnue, quels seraient les albums que tu t'emporterais dans ta valise ? Quels seraient les albums que j'emporterais dans ma valise ? J'emporterais forcément un album d'Erika Badu, un album d'Edith Piaf, un album de Gainsbourg, un album de Billie Holiday et un album de reggae, pourquoi pas. Un petit Bob Marley, quoi. Et un album de Beethoven, et un album de Portishead, et un album de moi. Voilà. Donc du coup, le mystère ne sera pas percé aujourd'hui sur ces fameuses initiales. Ce que veut dire Marianne Bépé, je sais que tu avais fait un teaser justement pour attiser un petit peu la ferveur de tes fans, pour qu'ils essayent de te proposer des définitions. Ouais, voilà, et personne n'a trouvé, et c'est bien parce que c'est quelque chose qui est assez intime, donc j'ai pas envie de le révéler en fait. Donc les propositions sont ouvertes, mais pour l'instant personne n'a trouvé. Voilà, c'est ouvert sur Facebook notamment. Vous tapez Marianne BP comme la station service, voilà, et vous proposez. Vous n'hésitez pas à me proposer des choses, je répondrai et on fera des petites vidéos un peu marrantes, quoi. Voilà, donc l'éloge sonore se termine avec l'entretien de Marianne Bépé. Là, on n'a pas l'occasion prochainement de te retrouver sur scène. Par contre, j'imagine que dès la rentrée septembre, tu vas rejouer tes différents projets. Ouais, et même probablement avant. Et j'ai pas encore les dates qui sont figées. Donc juste pour se renseigner, les dates, c'est soit sur Facebook Marianne BP ou soit sur mon site mariannebp.com. Et là, il y aura tout qui sera indiqué en temps et en heure. Merci beaucoup, Marianne. À bientôt. Merci, JC. Au revoir. Salut, c'est Marianne Bépé sur l'éloge sonore et vous allez écouter G-Baby and I Go To You. Love, love, love makes me treat you the way that I do. Le Chenor se termine pour aujourd'hui. Cet entretien a été enregistré et réalisé par mes soins au plein soleil, un petit bistrot proche du métro Parmentier dans Paris 11e. Marianne m'a recontacté suite à cet entretien pour me proposer de diffuser un titre en bonus. Ce titre s'appelle Angel et il sera présent sur son album Reverso. Salut! Fly away, why don't you leave me, Angel? You're so crazy, I'm too bad for you, see. My eyes are black, I didn't handle ground, see. My smile is white as my bruise behind the scene. And all my tries left you with eyes that cry. So how can I let you not leave me, Angel? Angel. Just fly away. Pourquoi tu ne me laisses pas un jour? Tu es barré complet, je suis toxique pour toi. Mes yeux sont noirs comme les sous-sols du paradis. Et mon sourire est net comme un spleen dans les coulisses. Et toutes mes tentatives te laissent les yeux dans l'eau. Mais comment je peux te laisser, ne pas me quitter, Angel?